vivre au foyer. Davaï, davaï, ça veut braquer le joyer. La maille, pour survivre au foyer. Le why, faut tous les broyer. Ça veut tailler à Dubaï, ça pas les moyens. iPhone, pas de cahier, bateau à la playa, héros de la cahier, faut tous les grailler. J'nique tous les été, après le show au vel, on sera tous pétés. Au début, personne donnait la force, maintenant ils veulent tous m'aider. Ça me l'a pété, j'suis pas dans les feux d'hiver, même en claquette l'hiver. Sur l'essence, un joli verre, moi j'fumais sur l'oliveux. J'ai fait un joli vœu. J'passe en crabe vers les oliveux. Ça gazait pour esquiver les bleus. Après j'ai fait un petit mètre droit le cross vers les oliviers. Un petit PDH, un petit salope. Après ça allège ou alors ça galope. Les flics ça cavale comme des antilopes. Que tu racontes ma vie, cacheur d'escalope. Ton ami qui te trahit, ta femme qui t'oublie. En plus t'apprends qu'elle tourne comme une toupie. Moi j'suis pas Tupac, j'sais pas, j'vois tu piques. J'peux plus faire les pics, mais j'suis magnifique. Tu fais tes poussettes aux gens, en plus tu t'appliques. Mais tu fais des conneries, ils ont pris ta plaque. J'dis pas que je suis le meilleur, j'sais pas. J'vois qu'y'en a qui se rendent des frayeurs. Y'a des bons, des mauvais players. Et y'a ceux qui font les terreurs. J'rappe tellement tous les jours que les MC font des têtes d'enterrement. J'suis déterrement. La Twingo, Fefe, Studio, TP, Avi, DP. J'nique tout bébé, j'te la fais grâce pour ton coup de grâce. Y'a des coups de crosse qui se perdent, des boss sur le front. Ça joue les boss, ça fait les traîtres. Et dans le dos, ça te fait des gosses. Moi c'est le 13, j'vais laisser ma trace. J'vois des choses atroces, mais bon, faut pas se mêler. Alors je trace, alors je trace. J'étais un chien comme toi, j'prenais le bus. J'étais plus sexy que trop les bus. Trop de Dachman, j'vais changer ma puce. Ça parle dans le dos, mais devant ça suce. J'entre dans la ville comme un indien. Prends la monnaie, je veux rien, tiens. La maille, pour survivre au foyer.